merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici tout de suite le menu. La radio Isangani le souffle sa 21e bougie ce 18 novembre. Nos auditeurs à Louigui estiment que les émissions et journaux diffusés sur cette station sont instructifs, mais regrettent que parfois ils ne captent pas ces ondes. Dans cette édition également, vous suivrez le directeur par intérim de la radio Isangani le qui demande que les journalistes accèdent facilement à l'information lors des descentes sur terrain. Et le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida invite la population à utiliser uniquement les médicaments prescrits par un professionnel de santé agréé. Docteur Lidouine Baladahana l'a dit dans une déclaration sortie ce samedi à l'occasion de la semaine mondiale dédiée à la sensibilisation pour un bon usage des antimicrobiens édition 2023. Sur le menu également, dans les nouvelles de province, on ira à Kirundo où 5 groupements des femmes de la commune Vombi ont été appuyés dans les projets de développement afin de lutter contre la pauvreté. L'administrateur de cette commune leur a demandé d'impliquer leurs époux. Voilà pour le menu de Rebengabé. Je suis à la présentation. Anselme Milambona sur la mise en onde. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains habitants de la province de Louigui estiment que les émissions et journaux diffusés dans la radio la radio Isanganiro sont instructifs et contribuent au développement communautaire. À l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de cette radio ce samedi, ces habitants apprécient que les journalistes couvrent différentes localités du pays. Ils regrettent néanmoins qu'ils n'arrivent pas parfois à capter cette station et demandent que ce problème soit réglé. On les écoute. Les émissions diffusées par la radio Isanganiro sont très intéressantes. Les nouvelles diffusées sont traitées de façon professionnelle. On apprend de ces émissions. Lorsque tu les écoutes, tu trouves qu'en appliquant ce qu'on y apprend peut t'amener loin. De plus, ils diffusent des nouvelles de toutes les provinces. Les émissions de la radio Isanganiro sont instructives. Par exemple, l'émission Karadiridimba, les émissions qui parlent de la jeunesse ou ceux qui parlent de l'élevage et l'agriculture. Ces émissions incitent beaucoup de gens à travailler. La radio Isanganiro est unificateur. Les émissions et journaux sont intéressant. Les nouvelles sont vérifiées et fondées. On aime les émissions de Giritu Shikirije et Ayiwanyu Havugwamaki. Moi, j'apprécie beaucoup le programme de la radio Isanganiro. Ils informent sur beaucoup de choses. Ils ne diffusent pas de fausses informations. Autre chose, de par les émissions qu'ils réalisent, tu peux te rendre compte qu'ils se sont rendus sur terrain pour recueillir des informations dans différents coins du pays. On ne capte pas la radio Isanganiro dans certains endroits. Qu'ils essayent de régler le problème d'antenne pour qu'on puisse partout écouter la radio Isanganiro sans que ça se coupe à chaque instant. On demande que la télévision Isanganiro soit disponible ici pour qu'on puisse la suivre à l'intérieur du pays. En province, Ruyigi, on ne capte plus les ondes de la radio Isanganiro. Que le directeur et d'autres personnes habilitées fassent le possible pour que la population puisse continuer de suivre la radio Isanganiro. Et le directeur par intérim de la radio Isanganiro fait savoir que cette radio a accusé un progrès significatif, surtout sur le plan de la communication numérique. Charles Makoto demande aux autorités habilitées de faciliter l'accès à l'information aux journalistes lors des fréquentes descentes sur terrain. Charles Makoto est directeur par intérim de la radio Isanganiro. Nous célébrons 21 ans de l'existence de la radio Isanganiro qui a donné naissance à la télévision Isanganiro, la radio Isanganiro qui émet non seulement sur le territoire national, mais également sur l'Internet pour parvenir tous les Burundais qui nous captent 10 pays, mais également de l'étranger. 21 ans durant, ça a été un parcours parfois jonché d'embûches, je dirais la fermeture de la radio Isanganiro durant l'existence de la Lébélio à l'époque, mais également qui a traversé la période aussi difficile de 2015, qui a connu la fermeture pour toute une période d'une année. Donc nous avons passer des moments, je dirais, agréables, mais également des moments difficiles. La radio-télévision Isanganiro émet 24 sur 24 heures via l'Internet. La radio-télévision Isanganiro est sur Facebook. La radio-télévision Isanganiro est sur Instagram. La radio Isanganiro est sur YouTube. Pour dire que la radio Isanganiro s'est adaptée au contexte de l'évolution numérique du moment et nous comptons toujours évoluer dans ce sens parce que nous sommes sur la télévision et sur StarTime, même sur le SAT32, nous sommes également sur le 790 StarTime. Nous évoluons et nous espérons que d'ici l'année prochaine, nous serons aussi sur Canal+, juste dans le souci d'atteindre nos téléspectateurs, nos auditeurs qui nous suivent et du Burundi et de l'extérieur du pays. La radio Isanganiro ne va pas cesser à s'adapter au contexte pour satisfaire les Burundais de l'intérieur et de l'extérieur. L'information, la source publique, nous est parfois difficile à atteindre, mais pas de façon globale, de façon, je dirais, contextuelle ou de façon individuelle, si on peut utiliser le terme, parce que ce ne sont pas toutes les autorités publiques qui nous refusent l'information, mais certaines autorités publiques, ça c'est un grand défi. Mais cela étant, nous nous félicitons des démarches déjà entreprises par le gouvernement via notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la communication, de mettre sur pied une loi sur l'accès à l'information. C'est cette loi qui viendrait mettre un peu de la force, contraindre même l'autorité à donner l'information utile pour le bien-être de la population que nous servons, pour justement asseoir cette transparence dans les activités, dans l'action gouvernementale. Charles Makoto est le directeur par intérim de la radio Isanganiro. Et sur ces propos, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio-Télévision Isanganiro RTI. Sur X, c'est RTI Isanganiro. Et en ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Dans la suite de ce journal, 5 groupements des femmes de la commune Vumbi ont été appuyés dans les projets de développement afin de lutter contre la pauvreté. Ces projets sont notamment ceux de la transformation agroalimentaire, l'agriculture, l'élevage et le commerce de boissons locales. Ces femmes demandent d'être appuyées pour que les produits transformés puissent être vendus aussi dans d'autres provinces. C'était lors de l'activité de distribution de l'appui en nature organisée par l'association UPV ce samedi dans la commune Bombi. L'administrateur de cette commune demande à ces femmes de mettre en œuvre ce projet dans les plus bref délai et d'impliquer leurs époux. Agnès Naumagadi. Comme l'indique Méthode Hakizimana, représentant de l'association Unisono pour la promotion des vulnérables, aider les femmes dans l'élaboration des projets de développement fait partie de l'un des projets que cette association a mis en avant. Ce projet est réalisé dans les 5 communes de la province Kirundo, qui sont notamment Nega, Wusoni, Gitobe, Bugambarangwe et Vumbi. Comme la même source continue à l'informer, ces projets sont réalisés dans le but de contribuer dans le développement de la femmes afin qu'elles puissent contribuer elles aussi dans le développement du pays. Les 5 groupements de femmes de la commune Vumbi ont été appuyés par cette association par l'appui à la tire afin qu'elles puissent passer à la mise en œuvre des projets qu'ils ont mis en avant. Ces projets sont notamment ceux de l'agriculture et l'élevage et la transformation agroalimentaire de leurs produits où ces femmes, membres de ces 5 groupements, disent que la transformation de la farine de la bouillie pour enfants et adultes a contribué à lutter contre la pauvreté dans leur ménage. Ils demandent d'être appuyés pour que les produits transformés puissent être vendus aussi dans d'autres provinces. L'administrateur de la commune Vumbi salue les initiatives de l'IPV et demande à ces femmes d'être rapides dans la mise en œuvre de ces projets et d'impliquer aussi leurs conjoints dans le développement familial. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro et l'actualité nationale continue. Plus de 2000 membres des associations de la province Kayanza qui ont créé le fonds Inyangé pour le développement de base se réjouissent que leurs frais de cotisation qui avaient été volés depuis 2004 ont été retrouvés. Ils demandent une part de l'intérêt étant donné qu'ils avaient placé cet argent sur un compte bloqué depuis déjà 19 ans. Ces membres demandent que leurs cotisations soient utilisées dans des projets de développement de leur choix. Cela ressort d'une réunion de ce vendredi qui a vu la participation des représentants de ces associations en provenance de toutes les communes de la province Kayanza. Patrick Sengiyumba. D'après Terence Naïmana, un parmi les initiateurs du projet Difo Inyang pour le développement de Bazakayanza, en 2004, les membres regroupés au sein de 115 associations ont contribué au moins 5 000 ou 10 000 selon les moyens dont ils disposaient pour démarrer la réalisation du projet. Ainsi raconte Terence Naïmana, plus de 17 millions ont été collectés et ont été versés sur un compte bloqué de la Banque de gestion et de financement BG Francigle. Et cet argent a fini par être volé par certains des membres en complicité avec un des agents bancaires au sein de la BGF, ce qui a freiné la réalisation de ce projet de la mise en place du fonds pour le développement de base. Dans une réunion de ce vendredi qui a vu la participation des représentants des associations dont les membres ont donné des contributions en 2004, l'objet était, c'est le terrain Senaïmana, de les informer que les fonds du fonds Inyang qui avaient été volés ont été en fait recouvrés grâce à l'intervention de l'administration provinciale Kayanza et l'officier du ministère public en cette même province. Dans leurs interventions, ces représentants des associations membres du projet se sont dirigés de la situation et ont demandé la part de cet argent argent que l'argent versé sur un compte bloqué pendant à peu près 20 ans devrait normalement générer des intérêts. Au moment où les initiateurs du projet demandent que cet argent recouvré soit utilisé dans la réalisation du projet lié à l'agriculture des champignons, certains membres des associations qui ont donné les fonds ne sont pas d'accord. Ils trouvent que ce sont ces membres qui doivent déterminer des projets de développement les plus rentables que l'agriculture des champignons. Terence Naïma, l'initiateur de ce projet qui n'a pas été réalisé, donc celui du fonds Inyang pour le développement de base, demandez aux agents des banques qui détournaient les fonds versés sur les comptes des clients de se ressaisir et couper court à cette mauvaise pratique. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiumba. Page économie à présent, l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, plaide pour la mise en place de la haute cour de justice. Le président de cette organisation, Gabriel Loftili, explique que c'est l'unique juridiction compétente pouvant juger les hautes autorités responsables des corruptions et les malversations économiques. Il l'a dit ce vendredi, c'était lors d'un atelier de restitution des résultats de l'étude commanditée par l'OLUCOM sur la proposition des pistes d'amendement du cadre légal anticorruption. Selon lui, la plus-value serait de mettre fin à l'impunité de la lutte contre la corruption. On l'écoute. La plus-value est claire. D'abord, c'est le respect de la Constitution. Comme la Constitution exige que cette haute cour de justice soit là, c'est une obligation constitutionnelle. Vous comprenez qu'à ce niveau, pour nous, c'est le respect simple de la Constitution. Ne pas appliquer la Constitution, vous comprenez que c'est la haute trahison. La deuxième chose, haute cour de justice, c'est symbolique, mais aussi c'est la protection du pays. Donc, souvenez-vous, ceux qui sont jugés par la haute cour de justice, c'est le président de la République, c'est le vice-président, c'est le premier ministre, c'est le président de l'Assemblée et celui du Sénat. Est-ce que ces plus hautes autorités de l'État, ils ne sont pas des anges, ce sont des humains. Et on doit séparer les lois, les institutions et les individus. Étant donné que les individus peuvent pécher, il faut renforcer les institutions au lieu de renforcer les individus. Souvenez-vous, par exemple, vous avez entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, le jugement n'est pas encore là, mais on a parlé de 155 maisons et parcelles inscrites ou enregistrées sous le nom d'une famille. Dans ce cas-là, cela prouve exactement que tout le monde peut pécher. Donc, je pense que la plus-value, c'est de protéger le pays de toutes ces failles que nous voyons ici et là. Ne pas mettre en place la haute cour de justice, c'est une violation flagrante de la Constitution. Mais nous avons confiance au chef de l'État parce que le chef de l'État donne un message clair. Vous avez entendu qu'il a dit que le combat qu'il a maintenant, c'est le combat de la justice et le combat du développement. Santé pour boucler cette édition. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida invite la population à utiliser uniquement les médicaments prescrits par un professionnel de santé agréé et à respecter les posologies recommandées en cas de maladie. Docteur Lidwine Baladahana l'a dit dans une déclaration sortie ce samedi à l'occasion de la semaine mondiale dédiée à la sensibilisation pour un bon usage des antimicrobiens, édition 2023. Suivez plutôt le ministre de la Santé publique, Docteur Lidwine Baladahana. Du 18 au 24 novembre chaque année est une semaine dédiée à la sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens. En effet, la résistance aux antimicrobiens est une menace pour les humains, les animaux, les végétaux ainsi que pour l'environnement. Elle nous concerne tous. Le thème de cette année, Ensemble prévenons la résistance aux antimicrobiens, appelle à la collaboration entre les secteurs afin de préserver l'efficacité de ces médicaments essentiels. La résistance aux antimicrobiens se produit lorsque les microbes comme les bactéries, les champignons, les parasites ou les virus s'adaptent et deviennent résistants aux médicaments utilisés pour les combattre, impactant ainsi l'efficacité du traitement, en augmentant au passage le taux de morbidité, la durée des hospitalisations et le coût global des soins. Cette semaine vise à promouvoir un usage éclairé de ces médicaments vitaux afin d'en préserver l'efficacité pour les générations. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelle les États membres à adopter des bonnes pratiques pour prévenir et lutter contre ce phénomène dans le cadre de l'approche « Une seule santé » qui s'articule sur l'implication de tous les acteurs de la santé humaine, animale, végétale et environnementale. Chacun de nous a un rôle à jouer dans l'arrêt de la résistance aux antimicrobiens. En santé humaine, la clé est d'utiliser uniquement les médicaments prescrits par un professionnel de santé agréé et de veiller à suivre le traitement prescrit dans son intégralité en respectant les posologies recommandées. Le mauvais usage et l'abus d'antimicrobiens nous mettent tous en danger. Ensemble, faisons donc de notre mieux pour prévenir la résistance aux antimicrobiens. Docteur Lidwine Valadahana, c'est le ministre de la Santé publique. Et c'est par là que ce journal prend fin. Merci à vous qui l'avez écouté avec intérêt à la présentation de Rebingabide. Anselme Milambona sur la mise en onde. Tout de suite, revue de la presse. Jean de Dieu, Ilakodze, m'ont rejoint au studio. De la presse. Bonjour ou bonsoir. Une section en disparition au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha rapporte la voix de l'enseignant. Par manque d'enseignants, la section d'informatique et de télécommunications au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha n'accueille plus de candidats actuellement. Les élèves sont en troisième année seulement. Très récemment, faire remarquer ce journal, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, professeur François Havzalimana, a promis qu'ils vont engager des enseignants qualifiés au lycée Sainte-Thérèse pour que la section puisse reprendre avec l'année scolaire 2024-2025. D'après cet hebdomadaire de l'éducation, les élèves finalistes de la dite section ne comprennent pas pourquoi la section d'informatique des télécommunications va disparaître alors que les élèves réussissent non seulement aux examens organisés par l'école, mais aussi à l'examen d'État. L'année scolaire 2022-2023, 31 élèves sur 32 de la section informatique de télécommunication au lycée Sainte-Thérèse ont réussi à l'examen d'État, note la voix de l'enseignant. Vers la gestion conjointe du lac Tanganyika, annonce le journal Net Press, qui précise que les experts des pays riverains du lac Tanganyika, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie, se sont rencontrés au début de cette semaine à Lusaka, en Zambie, pour évoquer une gestion conjointe du lac Tanganyika. Un des objectifs était d'explorer des moyens de protéger et de conserver la biodiversité du lac afin d'assurer l'utilisation durable de ses ressources naturelles. Selon les mêmes informations citées par son confrère, il y avait un besoin urgent de remédier à la détérioration environnementale croissante du lac suite à la pollution. Ce quotidien en ligne rappelle que les quatre pays riverains du lac Tanganyika ont pris la décision de suspendre la pêche dans ce lac pendant une période de 3 mois, de mai à août dernier, mais cette mesure n'est jamais entrée en vigueur car des députés de la Tanzanie, tout comme les autorités de la République démocratique du Congo, s'y sont opposés. Revue de la presse. Inondation à Gatumba. Les habitants se préparent au pire avec l'annonce de fortes précipitations, alerte le journal Iwachu. À défaut d'une digue promise qui tarde à être construite sur la rivière Rusizi, source des inondations dans la zone d'Ogatumba, les habitants de cette localité ont convenu de se débrouiller en essayant de construire eux-mêmes cette digue sur cette rivière avec des sacs de sable, même si le travail paraît titanesque et qui se confère, qui souligne, qui se rencontre chaque jeudi et samedi sur la Rusizi pour construire ces digues à l'aide des sacs remplis de sable et ils ont déjà érigé une sorte de mur sur une dizaine de kilomètres. Toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire, un des administratifs locaux regrette cette sorte d'indécision ou non-priorisation de cette question par le gouvernement face à la situation prévalente dans la zone de Gatumba. Il implore le gouvernement à faire de son mieux pour que la rivière Rusizi soit curée. Pour le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Sengiyumba, note le journal Iwachu, l'administration ne peut rien faire aussi longtemps que l'étude sur Gatumba, classée dans le périmètre des zones à risque, ne sera pas encore publié. Condamnation de 14 commerçants pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, rapporte l'agence burundaise de presse. En effet, précise son confrère, le tribunal de grande instance de Lutana, dans un procès de flagrance du mardi le 14 novembre 2023, leur a infligé une peine carcérale variant entre une année et cinq ans, des amendes variant entre 500 000 francs burundais et 5 200 000 francs burundais de dommages et intérêts. Après avoir découvert qu'ils ont déclaré de petites quantités de marchandises à l'Office burundais des recettes, OBR, ajoute son quotidien, ces commerçants ont vu leurs véhicules saisis et les marchandises non déclarées mises dans le trésor public. Les transporteurs internationaux burundais éprouvent des difficultés à être compétitifs dans la zone de libre-échange continentale africaine Zilekaf, rapporte Burundi Echo. Mirène Havdialimana, coordinatrice des projets au sein de l'Association des transporteurs internationaux du Burundi, a regretté dans les lignes de ce journal que la flotte terrestre immatriculée au Burundi n'est pas compétitive dans la sous-région et encore moins dans la Zilekaf à cause des impôts et taxes exorbitants, raison pour laquelle les investisseurs préfèrent faire immatriculer leurs camions à l'étranger que dans le pays de peur d'écoper de ces impôts et taxes. Ainsi se referme cette revue de la presse et vous a été préparée et présentée par Doreb Ingabile avec Jean de Dieu et la Cosé. À la prochaine. Revue de la presse.